montagne ou à la mer, à la campagne ou à la ville, je me baladerai, je voyagerai tranquille, j'irai voir tous les pays au gré du temps, au gré du vent, en Chine, au Québec, en Italie, en Espagne, en France, même en Russie, j'irai peut-être en Norvège, en Suède, aux îles Fidji, traîner mes godasses pour voir ce qui s'y passe avant que la vie passe. Je ferai le tour du monde, j'irai voir les pyramides et peut-être aussi la muraille de Chine et pourquoi pas l'Himalaya et toutes les cultures au gré du temps, au gré du vent. Et pour me détendre les gibbles sur une plage sous un parasol, je me laisserai aller au son des vagues, léger comme un grain de sable, je reposerai mes chaussures des plages de Cuba à la Côte d'Azur. Jusqu'au pôle sud, toujours sur le fil, au gré du temps, au gré du vent. Et si jamais je me casse la gueule sur la terre ou dans la mer, je referai mon sac à dos pour découvrir l'Eldorado. Je remettrai mes chaussures pour tracer ma route, pour tracer bien sûr. Wapapai, wapapadoudai, wapapai, wapapadoudai, wapapai, wapapai. Wapapai, wapapadoudai, wapapai, wapapadoudai, wapapai, wapapadoudai, yeah. Je ferai le tour du monde. Après tout, on vit qu'une fois. Plus que tout, je veux garder la foi. Et même si tout ça, c'est que des mots, même si tout ça, c'est que des rêves, je veux continuer à rêver. Na, na, na. Wapapai, wapapadoudai, wapapai, wapapadoudai, wapapai, wapapadoudai, wapapai. Wapapadoudai, wapapai, wapapai.